Line Lainin, sais-tu qu'est-ce qui se passe le lundi à minuit tapant? Ben voyons donc, Lainin. Lainin! Lainin! Excuse-moi. Reviens-nous. Reviens-nous, Lainin. Line. Bon. Et puis, le lundi 2024, c'est l'émission. C'est lui. Non, elle veut pas, elle veut pas. Non, ça ne tente pas. Elle doit être dans ses chaleurs. Puis quand Lainin est dans ses chaleurs, elle peut faire exploser les ampoules à l'intérieur de son mixeur. Parce que Lainin, c'est un mixeur. Le saviez-vous? On ne vous l'a pas appris? Vous lisez pas les journaux? Radio-Canada, yeah, ils ont fait une émission spéciale sur Lainin. Ben, vous avez. Bon, vous pouvez en manquer des bouts. Moi, Rénal de Gagné. Rénal de Gagné, l'animateur des Rances Renaldiennes à CKRL, le 89.1 à Québec. Oui, je vais trop vite. Mes hamsters à l'intérieur, que l'on appelle, comme disait Léo Ferré, il disait quoi, donc lui, Neurosim. Mon ordinateur Neurosim qui me sert de cerveau, ben moi, c'est rempli d'hamsters. Qui tourne et qui tourne et qui boucane à force d'aller trop rapidement. Et là, mon débit, comme je suis un verbomoteur, mon débit langagier en prend pour son rhume. Et malheureusement, les auditeurs et les auditrices, les gens que je côtoie dans la rue ou à l'extérieur de la rue ou à l'intérieur de mon établissement dans lequel je gagne quelques pauvres cents pour aller à Paris, se rencontrer mes artistes, ben, ils m'écoutent, mais ils comprennent à peu près pas ou ils sont trop gentils pour me dire pardon, pardon. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sourient. Oui, merci, au revoir. Aujourd'hui, OK, aujourd'hui, le lundi. Monte le volume, s'il te plaît, et hume la différence. Ça va faire du bien, ça va aérer. Aérer, c'est ça. Hume la différence. Il manque quelque chose, hein? Le lundi, les clients vont dire, oh, puis on a, et hume la différence. Car c'est parti, mon kiki! J'ai oublié mon kiki! Mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Renaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Connais sa chanson très bien, cause qu'elle attend à les bains, a fait son ménage en écoutant la radio. Elle veut jamais grand chose, un bon mari pis le gros lot, pis le maigre dit d'aller au bingo. Mais tout le monde sait que je l'aime, par cause tout le temps des problèmes. Quand ce qu'a au bingo, moi j'arrive un fatigué de ma journée à travailler. Ben demain, ça va recommencer. Je sais pas que j'ai fait. Elle n'est pas contente à sa fête. Pourtant, j'ai acheté des fleurs puis des cadeaux. Un beau et plus carotte, une grosse fourchette pour la popote. Puis quand j'arrivais, ben j'étais bien chaud. Mais tout le monde sait que rime est fatigué de ma journée à travailler. Ben demain, ça va recommencer. Des femmes qui top modèle, mais la mienne est obsédée. Elle aimerait ça d'avoir une belle carrière. Lorsqu'elle arrive, il fait pas beau, il manque rien qu'un numéro. Puis là, va bouder pour le reste de la semaine. Mais tout le monde sait que je l'aime, par cause du temps des problèmes. Le maigre-ti, quand ce qu'a beau bingo. Moi j'arrive fatigué de ma journée à travailler. Mais demain, ça va recommencer. Ouais, demain, ça va recommencer. Un hommage à ma mémoire, à sa mémoire, à ma manière. Là, c'est... Arrête un peu, ton ami. Poche de gel. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté. À toutes les 5000 pour pisser. Même si t'as gradué, même si que t'es âgé, tu vas te faire pogner au par la GRC. Faire l'air ben cocoon, mais que tu sautes d'un ballon, ben c'est ben mieux que de se faire tuer. L'alcool au volant, c'est criminel. La bière bien chaude, puis la poche de gel. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté. À toutes les 5000 pour dans les mains, c'est là ce que tu viens dangereux. L'alcool au volant, c'est criminel. La bière bien chaude, puis la poche de gel. Tout le monde ensemble, attention. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté. À toutes les 5000 pour pisser. 5000 pour pisser, tout le monde ensemble. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté. À toutes les 5000 pour pisser. Youha, excusez-le. Caillouche, d'où vient Caillouche? Ben, de la musique traditionnelle, des racines. Un homme attachant, avec un son qui lui est propre, une écriture assez corrosive, rigolote, pas méchante. Il est mort à 75 ans, il l'a demandé. Suite à une maladie qui s'est fait qui a débuté très rapidement, il a demandé l'aide pour mourir. Toute la soirée, la première heure sera consacrée à « Le temps passe et trépare dans un monde d'angoisse ». Ah, ah, ah, ah. Alors, on va faire une improvisation à partir d'un site que j'ai trouvé et que j'adore. Comment il s'appelle le site? Poetica. Poetica. Poetica, mon petit gars, tu peux rire si je m'en vais, hein? Je la recommence. Ah, petit gars, tu peux rire si je m'en vais, mais dans ta tête, je serai le plus heureux des fous. Si tu passes à travers ça, tu connaîtras l'au-delà, sans te les passer à toutes les mètres collés. OK. Alors, hein, ça n'a jamais été fait. Non, non, c'est unique. C'est du jamais bu, jamais vu. Alors, vague à l'âme. On va partir. En fait, c'est une première phrase, une première envolée d'un écrivain, d'un poète, ou d'une auteure, une autrice. Je préfère dire auteur. Auteur. C'est Isaac Le Rurant. Isaac Le Rurant a écrit Vague à l'âme. Alors, je débute son texte et le reste, je vous dirai. Je vais vous l'annoncer au moment où j'improvise, OK? Alors, c'est. Non, je ne suis pas fou, disait la vague à l'âme. Je suis juste surpris d'avoir. Et là, je continue. Alors, je recommence pour me lancer, OK? Non, je ne suis pas fou, disait la vague à l'âme. Je suis juste surpris d'avoir reconnu mon passé. Car en sachant ce que j'étais, j'aurais pu découvrir ce que j'allais devenir. J'ai côtoyé Cocteau, Coctus et Crécus, le grand laboureur, la petite jumette et la Lisette qui ne savait point lire. Drôle d'avenir. Pour une écrivaine qui ne reconnaissait que les mots qu'elle glanait ici et là, dans son cœur dépourvu d'amour. Mais soudainement, à tous les soirs, avant de se mettre au lit, elle avait des visions globales sur ce qui lui arrivera. C'est trop cuit. Mais pas chaud au four à 350, l'oignon va sentir. Puis si ça sent, ça risque de faire partir le système d'alarme. Et si le système d'alarme part, Madame Tremblay, faites-vous-en pas. Les gicleurs, vous aurez, dans votre vie, là, vous n'aurez jamais été giclé autant que ça. Oh, wow! Essaye de la partouze de partout. Là, tu te laisses tomber à terre. Les gicleurs vont t'arriver dessus. Tu fais un peu comme du bacon qui reçoit un peu d'eau. Là. Ou non, du beurre dans une poêle chaude dans lequel vous placez quelques gouttes d'eau. Ça fait... Non, ça n'a jamais fait ça, hein? Non, mais moi, j'ai des poils téflon. T'es folle, hein? Toi, t'es complètement folle. C'est pas t'es folle, c'est téflon. Oui, mais t'as déjà eu des enfants téflon. Je le nomme Claude. Claude Baribeau-Boivin. Le téflon par excellence. Mon Dieu. T'en as juste eu deux garçons, mais celui-là, là, il collait pas. Tu disais arrête, il arrêtait pas. Tu disais sois tranquille, il était pas tranquille. En fait, il écoutait pas. C'était comme un Yorkshire croisé caniche. Moi, je dis que les Yorkshire croisé caniche, là, ont été dans un temps dépassé, outrepassé. On a tout effacé, là, le code génétique pour pas que les gens aient peur. Je suis sûr, là. Parce que ça part à l'origine, là. D'où vient l'origine? Ben, c'est le début. Le début de quoi? Roméo? Crusoe. Qui aurait cru à Crusoe? Il a embarqué tous ces animaux-là, puis à un moment donné, ça forniquait un peu à droite à gauche, parce que même si c'était pas la même race. Puis le Yorkshire croisé caniche, avant d'être croisé avec un caniche, il s'est collé sans doute sur un âne, parce qu'à chaque fois que tu y parles, il t'écoute pas. Mais sauf que si tu dis nourriture ou si tu brinque-balles, hein, quelques miettes de la galnotte pour pitou, là, et là, il est ting, les oreilles cring, et t'as regardé, là, tu sens l'intelligence passer, là. C'est pas l'intelligence qui parle, c'est comme un homme, là. C'est l'estomac qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit l'estomac quand il parle? J'en veux, donne-moi ça, j'en veux. Surtout, donne-en pas à d'autres, c'est à moi que ça revient, c'est moi ton fidèle compagnon, puis je t'écoute tout le temps. Comment ça tu m'écoutes tout le temps, Yoshi Croisé Caniche? Jamais tu m'écoutes. Quand je t'ai dit arrête de japper, t'arrêtes pas de japper, toi. Tu comprends pas ça, japper. Quand je fais arrête de. Là, tu me regardes. Là, tu continues là-dessus. Tu surenchéris, mon ami. Tu surenchéris. Et quand tu surenchéris, je me rends compte que tu comprends rien à rien. Ou qu'au contraire, tu comprends tout et tu joues là-dessus. Tu joues sur mes nerfs. Mais comme. Moi, je suis un garçon zen. Hein. Ah, moi, zen comme ça. Je suis comme un Bouddha, mais sans la bédaine. Mais avant ça, j'étais un Bouddha avec la bédaine, mais là, il n'y en a plus de bédaine. Mais malheureusement, la peau ne s'est pas étirée. Donc, ça fait des bourrelets désagréables au regard, là. Quand je me place nu devant mon miroir, et on a fait allusion là, à Coqueteau. Coqueteau, lui, avec... Oui. Miroir, mais ça c'est pas Coqueteau, c'est Walt Disney. Miroir, mais moi, on peut mêler Coqueteau et Walt Disney, hein. Parce qu'en fait, Orphée, son histoire Orphée, t'as connais-tu Orphée? Orphée? Ouais, pardon? C'est ça, c'est elle. Elle reste où? Ben, je ne sais pas, là, mais ouais, elle a déjà habité, j'en ai aucune idée, mais c'est dans la tête de Coqueteau, Orphée. Tu crois pas? Tu es en train de dire que je suis un menteur, moi. Hein? Moi, je suis un menteur. Depuis quand? Depuis rien, hein? Mais non, c'est dans une légende. Comment tu peux dire, là? Le temps des temps, là, Orphée, c'est une histoire, là, qui n'a jamais été démodée, puis qui a débuté. C'est une fable. Ça vient de la Grèce, hein? Je t'ai dit, tu mets du beurre. Puis quand tu mets une goutte d'eau, mais quand tu mets de la graisse puis que ta poêle a de l'eau, tu risques d'être dévisagé. Parce que l'huile va te monter au visage et tu seras comme Orphée. Ça n'a rien à voir, mais j'aime ça. Mais c'est des fables. C'est un héros de... C'est de la mythologie, c'est ça. Vraiment, merci. C'est de la mythologie. Puis Coqueteau s'est inspiré de la mythologie. Tu connais pas ça, la mythologie, toi. Tu connais pas ça, Jean Cocteau. Tu connais pas ça, Orphée. Connais-tu quelque chose dans ta vie, toi? Ah, la recette. Ah oui, ça, c'est bon. La recette de la soupe. Ah oui, de la soupe à l'oignon. Toi, là, à ta pu. Quand dans ta recette, là, t'as pas de vin rouge, là, mets-tu du vin blanc? C'est un scandale. On doit jamais faire ça. Sinon, on est des inadaptés culinaires. Ah, mon doux Seigneur. Mais si tu fais ça en catimini, pas besoin d'être quatre en catimini, mais c'est en sourdine. Tu te caches, puis tu mets du vin blanc. Tu sais, t'en as pas du rouge, là. Puis, tu sais pas, là, c'est en rien mettre, puis mettre du blanc, tu mets du blanc, là, hein? Non, OK, on met rien. On n'en fait pas de soupe. On change de soupe à l'oignon à soupe poulet et nouilles. Bon. Qui est la nouille? Est-ce que c'est celle qu'on met dans la soupe ou celui qui la prépare? Oh, bonne question, là. Bonne question. Attends. Calme-toi un peu, là. Ça, c'est Caillouche. Puis ça, c'est la meilleure parce que quand j'ai fait une émission, c'est pas l'année dernière, mais l'autre année, j'ai terminé l'année avec cette chanson-là. C'était Noël, pas l'année, c'était le 25, pas le 31 premier. Et les hamsters, hein, ça tourne. Et puis, donc, là, dans quelques temps, là, dans quelques jours, parce qu'on nous sommes là, elle se souvient plus du temps qui passe, puis c'est bien, hein, parce que en fait, ce qui est mêlant, c'est que ça change à tous les jours. Mais c'est vrai. Alors donc, le juillet, nous sommes le 8. Mais là, le 25 juillet, c'est le Noël du campeur. Alors, je vous conseille fortement d'enregistrer la chanson. Je ne parlerai plus, là. Enregistrez-la. Là, OK? Avez-vous votre unité de cassette? Moi, je vous conseille la cassette Chrome, hein? Oui. Si vous avez le Dolby, ce serait merveilleux. Alors, on va écouter cette pièce musicale-là. Elle est rigolote. C'est de mon ami, bien sûr, Caillouche. Et c'est pendant la période des fêtes. Mais nous, c'est le 25 décembre, mais aussi le 25 juillet. Alors, pour le 25 juillet, on y va. OK? Caillouche, vas-y. Hey, wow. Attends. On s'est trompé d'une... OK, on y va. On y va, Caillouche. C'est à toi. Mon beau sapin que j'ai fumé au party de Noël. Les tigélis étaient pas là, j'ai vu au bar dans le sang de chaud. Marché sur l'eau dans le mois de mai, c'est bien plus dur qu'en mois de janvier. Mon beau sapin que j'ai fumé au party de Noël. Quand ça a venu le temps pour les cadeaux, mais non, quand les filles étaient pas beaux, des boules de Noël dans les oreilles, pis t'es tout nu avec sa bouteille. Mais non, quand les filles pas beaux, tout nu. Mon beau sapin que j'ai fumé au party de Noël. Quand je m'aperçus, il était trop tard, j'étais couché dans mon char. Quand la police est arrivée, j'étais sur le top dans le fossé. Mon beau sapin que j'ai fumé au party de Noël. Est-ce que c'est possible? Excusez-le aussi. Puis, hey, là, c'est toujours du 2 pour 1 avec Caillouche, OK? Bon, Caillouche, on continue ce prépuce. Mon pébuchet jusqu'au printemps. Puis moi, j'étais tout seul à la maison. Faire du bois pour ma vieille maman. On avait de la misère dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, on avait du fun. Master, c'est plus pareil. Master, si tu veux du fun, mais bon, il faut que tu payes. On gelait le chou jusqu'au printemps. On avait de la misère dans le bon vieux temps. Mon petit weeb Saint-Bango, il a se divorcé de Zito. Il dit qu'il y a de l'argent, ben moi je sais pas. Il a donné tout aux avocats. Dans le bon vieux temps, on avait du fun, dans ce c'est plus pareil. Dans ce si tu veux du fun, mais bon, il faut que tu payes. Jusqu'au printemps, on avait de la misère dans le bon vieux temps. Mon petit Georges vient voir souvent. Il rentre à la porte, c'est adjo et dans. Puis des fois, il y a avec Tony. Ça, c'est un autre de mes amis. Mais dans le bon vieux temps, on avait du fun, master, c'est plus pareil. Master, si tu veux du fun, mais bon, il faut que tu payes. On gelait le chou jusqu'au printemps. On on avait de la misère dans le bon vieux temps. Ouais, on voulait le jus jusqu'au printemps. On avait de la misère dans le bon vieux temps. On avait de la misère dans le bon vieux temps. Le bon vieux temps, le bon vieux temps. Excusez-le, dans le bon vieux temps. On y va, on me dit jamais. Et dans le vieux temps, il est vrai, il est dans le vieux temps. Il est vrai, il est dans le vieux temps. Alors maintenant, nous nous sommes excités de tympan. Voici Charles Baudelaire. De quoi il a l'air, Charles Baudelaire, madame? Il a l'air fou. Vous, là, madame, laissez-moi pas continuer parce que non. Charles Baudelaire est un grand poète français. Chez nous, on a aussi des grands poètes. On a Jean Arache. C'est pas une blague, c'est de la vérité. Lui, c'est un poète qui en ramait un coup. C'est pour ça qu'il s'est fait appeler Jean Arache. Puis, lui, il faisait de la poésie réaliste. Et Charles Baudelaire, lui, fait de la poésie narrative, de la poésie intellectuelle, de la poésie. Mais tous les poètes font de la poésie. Sinon, t'es pas poète. C'est quand même... Hey, toi, t'as étudié longtemps pour dire ça. Hey, moi, j'ai étudié... Non, j'ai désappris mes études. Hey, ça s'entend, hein? C'est vrai, là. T'as pas à dire rien, rajoute rien. On est devant le constat incontournable de ta médiocrité intellectuelle. Merci beaucoup. Est-ce que c'est une qualité, ça? Ah, c'est une qualité. Ah oui. Les neurones te pètent, les sens-tu péter? Non, Charles, j'ai pas mangé de soupe aux... Non, mais... On parle du cortex cérébral. Ah, mon Dieu! Il est encore en vie, lui, le cortex? Non, cérébral! Ah, cérébral, il est sur le respiratoire. Sur le respiratoire, mais il sait pas. Faudrait jamais dire. Parce que s'il se vexe, il devient cortex. Et s'il ne se vexe pas, il devient rien. Il devient un chat, un lapin, un nain qui court après l'espérance. Il devient le lendemain matin. Lorsque le soleil tente de se lever et qu'à l'aurore, oh, mystère, la pluie ne veut pas se monter la goutte au niveau du nez. Et moi, je me tente la... Quand tu te montes la goutte, tu te montres aussi la goutte, c'est les deux. Quand tu montes, tu te montres. Quand tu tombes, tu t'assommes. Alors, c'est une gravure fantastique de Charles Baudelaire. Et ça se lit comme suit. Ce spectre singulier n'a pas toute toilette. C'est pas une blague, c'est vrai, là. Ce spectre singulier n'a pas toute toilette. Grotesquement campé sur son front. Je recommence, et là, je dois improviser, OK? Ce spectre singulier n'a pas toute toilette. Grotesquement campé sur son front, le hérisson n'atteint point la chevelure de l'artiste qui veut placer son chapeau avant d'entrer. En coulisses, il demande quelques informations La mise en scène, l'éclairage, le son, tout est parfait. Parce que depuis 2 ans, j'ai appris à améliorer l'imparfait, à sublimer tout ce qui risque de tomber en abîme. Je suis donc le réparateur du trouble que tout peut arrêter. Non, ça fonctionne pas, hein? Non, mais c'est déjà compliqué, hein, Charles Baudelaire. De quoi t'as l'air, toi? Ben, j'ai l'air de quelqu'un qui essaye. Qui essaye quoi? Qui essaye de faire l'impossible. Qui essaye l'impossible, de toucher l'impossible. T'as-tu déjà touché l'inaccessible ailleurs? D'ailleurs, je tiens à remercier Raymond, qui, grâce à son pâté chinois, m'a fait connaître oui, ah oui, oui, elle m'a fait grimper au-delà de l'au-delà. Et qu'est-ce qui se trouve au-delà de l'au-delà? Attends un peu, là, au-delà de l'au-delà. Au-delà de l'au-delà, il y a bien des tracas. Au-delà de l'au-delà. Non, non, au-delà de l'au-delà, il y a l'infini. Et si tu touches l'infini, tu la tiens par la gorgette. Elle t'envoie partout où tu veux, juste par la réflexion que tu donnes à ce que tu tiens entre tes doigts. Mais voyons donc, oui. Es-tu en train de déraper dans la sormole? T'es-tu un sormole et non? Dis-moi non! Sinon, je risque de me faire désaccroire. Désespoir! Ta belle-sœur t'a abandonné? Tu te sens seul, très seul. Je te conseille fortement d'appeler. Ah oui, appelle, ben, écris, parce qu'appelle-le pas, il répond jamais. Ah non, non, non, non, non. Lui, là, répondre, là, c'est se confondre. Donc, écris donc à Renal Québec, à commercial@admin.com. Hein? C'est R-A-Y-Renal. R-A-Y-N-A-L-D. Q-U-E-B-C, à commercial, hotmail, H-O-T-M-A-I-L. Et puis, il va te répondre. Puis, lui, il a des petites tournures là, pour te faire... Ouais, il va te le faire. Il va te le faire gratuitement. Et, pardon? Comment ça? Ben, parce qu'il connaît Caillouche. Hey, ça, c'est quelque chose. Hein? Quand tu connais Caillouche, tu peux aller loin dans la vie. Oh! J'ai chanté mes chansons quasiment toute ma vie. De la Nouvelle-Écosse jusqu'à l'Abitibi. Eu du fun dans la Beauce avec les Beaux-Serans, même sur la Côte-Nord jusqu'au lac Saint-Jean. Je fais des festivals d'enfants, des festivals country, les chapiteaux pis les hauts. Partout ce que j'ai passé, j'ai trouvé les femmes belles. J'ai fait mon linge calme, Yaster c'est la rappel. La rappel, la rappel. J'ai fait mon linge calme, Yaster, c'est la rappel. À Saint-Tite, c'était gros, j'pensais d'avoir peur. J'ai même fait des spectacles au théâtre des quatre sœurs. Dans le Chignac, pour le festival de Homard, j'ai monté à Sainte-Combe pour la course de canard. Je fais des festivals d'enfants, des festivals country, dans les chapiteaux pis des hauts. Partout que j'ai pensé, j'ai trouvé les femmes belles. J'ai fait mon linge calme. Hier soir, c'est la rappelle. La rappelle, la rappelle. J'ai fait mon linge calme. Hier soir, c'est la rappelle. Monté à Saint-Narcisse pour la solidarité. Même mon range à Ben dans le bout de mon laurier. Partout que je passe, ça chante puis ça danse. J'ai fait des bons amis à Vinoir de Plaisance. Je fais des festivals d'enfants. Festival country dans les chapiteaux pidéaux. Partout ce que j'ai pensé, j'ai trouvé les femmes belles. J'ai fait mon last call, hier soir c'est la rappelle. La rappelle, la rappelle. J'ai fait mon last call. Yesterday, c'est la rappelle, la rappelle, la rappelle. J'ai fait mon last call. Yesterday, c'est la rappelle. J'ai fait mon last call. Yesterday, c'est la Caillouche est un phénomène. Il s'appelle Réginald Charles Gagnon. Okay? C'est un, c'est un auteur, compositeur, interprète country, canadien, bon, on va dire québécois, d'origine acadienne, né le 7 janvier 1949 et décédé le 29 mai 1924. Il est mort à Massachusetts. Il a pas mis ses chaussettes, puis il est mort. Il est resté à Massachusetts, à Nouveau-Brunswick. Et puis ce gars-là, là, ce qui était intéressant, c'est que c'était un analphabète. Oui. Et puis, avec les années, ben, il s'est placé à... Il a évolué. Et donc, il est devenu un auteur, compositeur, interprète, comme je vous l'ai dit. Et c'est quand même assez extraordinaire de savoir qu'il a fait quand même 4 disques. Peut-être même... Non, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 disques. J'ai 6 disques. Combien sont ces 6 ou 6 sur 6? J'ai 4 disques de Caillouche. Le premier, c'est... Inédit, je ne l'ai pas, OK? Ça, c'est en 88. J'ai un vieux hippie. On a entendu une chanson en 94. 96, moitié-moitié. Ça, c'est moitié français, moitié anglais. 99, c'est roule-roule. Incroyable. En 2003, c'est Let's Call. Et puis en 2011, c'est Le Rappel. Et à travers ça, ben, il a fait des spectacles, des tournées. Il s'est même rendu en France faire... ils vont sortir ça, faites-vous-en pas, là, sur YouTube. Là. Quand quelqu'un décède, là, on libère les droits d'auteur. Vous allez le voir. Puis il était attendu, Caillouche, en France, comme si c'était... Richard Desjardins, c'est, moi, j'ai trouvé ça touchant. Je l'ai vu il y a quelques années, il y a peut-être 8-9 ans. Et ben, je voulais quand même faire une petite révérence à quelqu'un que j'adore. Et je voulais pas non plus faire ça pendant que tout le monde en parlait. J'aime bien le recul, la preuve. OK, on peut soigner notre compagnie. Si on n'a pas de compagnie, on soigne tout seul. Ça fait moins mal. Mon blessé, ma musique, c'est ça ma vie. Puis prendre un empire avec mes amis. J'aimerais sautant prendre une douce. Mon blessé, ma musique, c'est ça ma vie. C'est bien fun quand ça se tape le matin. J'espère le déjeuner, j'ai beau pain. En arrêt, trop tête, ben dîner. musique, ma musique, c'est ça ma vie. Puis prendre un pain avec mes amis. J'aimerais ça t'en prendre une aussi. Mon musique, ma musique, c'est ça ma vie. Tu rides un japonais, moi ça me fait rien. Tu sais qu'en deux roues on est bien. Mais mon remorque à la tavane. Mais toi tu es parqué sur tes portes. Mon bicycle, ma musique, c'est ça ma vie. Et prendre un pain avec mes amis. J'aimerais ça t'en prendre une aussi. Mon bébé, ma musique, c'est ma vie. Un pour cent, et j'fume mon petit joint de temps en temps. C'est de grève et les chemins sont pas beaux. C'est mieux de pas tuer les trous que de pas tuer l'eau. Mon bicycle, ma musique, c'est ça ma vie. Puis prendre un alpin avec mes amis. J'aimerais ça t'en prendre une douce. Mon bicycle, ma musique, c'est ça ma vie. Ouais, mon bicycle, ma musique, c'est ça ma vie. Ouais, yeah, ouais, vas-y. Caillouche. OK, Caillouche. Lui, c'est sa moto, la musique. Puis moi, ben actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a un petit décalage horaire, là, un petit décalage de rien. Je suis à Paris. Je rencontre des artistes pour vous les proposer. Les préposer. Hey, est-ce que les préposer à Rénal Gagné, s'il vous plaît? Il y a besoin d'être changé de couche, là. Ah, mon, il me semble que ça sent l'antiquité. OK? Non, mais actuellement, je vous l'ai dit, là, je suis à Paris. Et l'émission est préparée là, maintenant, pour vous. Alors, c'est pour ça que ça fait un peu étrange, là, mes caillouches, tout ça, ça me fait plaisir. Parce que quand tu es ailleurs, puis que tu fais jouer des gens de ton pays, les gens de mon pays, ce sont gens de parole, les gens de causerie, qui parlent pour... Hein? Bon, c'est pas Caillouche, c'est Jules Mignot. J'ai ici, là, pour vous envoyer ce qui me tient en vie, c'est-à-dire mon émission est rentrée canadienne, mes invités, ma plage horaire à CKRL. Donc, c'est à suivre là, dans les prochaines semaines. Vous entendrez la nouvelle cuvée que je prépare actuellement. Donc, je me suis retiré dans mon auberge de jeunesse parce que je suis dans mon auberge de jeunesse. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Et là, avec le décalage, ça donne ce que ça donne. Mais, ça va faire des bonnes émissions. Et ça fait de bonnes émissions. Caillouche, on te laisse la place. Tu le mérites. Jusqu'à la fin. En fait, il reste quoi? Mais il reste même pas 15 minutes. Ouais. C'est une plage horaire empoisonnée. Ben non, arrête. OK? Vas-y. Caillouche. Un vieux bonhomme de par chez nous, et je nommerai pas son nom. Il a bâti un gros garage, le village était pas content. Il disait qu'il bloquait toute la vue, puis la moitié du chemin. Il y avait des poules, puis des cochons. pis 152 chiens. Des vieux dans le nord de la province, sans partout comme ailleurs. Ils ont bûché de la pitonne dans le bois, ils ont pêché dans la mer. Richard pis Arthur. Richard c'était le vieux soldat, lui était tout le temps heureux. Arthur on le voyait jamais, c'était un bon pédaleur. Les vieux dans le nord de la province, sans partout comme ailleurs. Ils ont bûché de la pitonne dans le bois, ils ont pêché dans la mer. Ils ont bûché de la pitonne dans le bois, ils ont pêché dans la mer. Caillouche, je tiens juste à dire aux auditeurs et aux auditrices que... oui, que Caillouche... Le documentaire que j'ai vu, c'est Caillouche, le temps d'une bière, que je vous ai placé sur mon Facebook. Si vous êtes mon ami Facebook, ben regardez-le, il est là parmi mes envois sur mon mur. Sinon, si vous n'êtes pas mon ami Facebook, devenez-le, c'est gratos et c'est tellement intéressant. Enfin, j'espère. Allez, va. OK. Au printemps, quand c'est tout hiver, ça commence à pousser. On est pris d'avance, pour au moins un mois, on a-tu hâte à l'été. La fin de semaine, oh oui, au camp, on est en y travailler. Au parc chez nous, c'est même. De te cacher et en cours des maringouins. La fin de semaine, on est au camp, on est allé travailler. Au bar chez nous, c'est même ça se passe, on aime à s'amuser. Ça se passe, on aime à s'amuser. fête fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent la bonne heure. C'est eux autres qui devraient aller dehors. Ça me dérange pas de pas fumer des restaurants. Ça me dérange pas de pas fumer d'avoir des enfants. Mais quand je suis dans un bar avec une bonne bière, c'est là que ça me prend ma cigarette. Fume, fume, fume ma cigarette. Fume, fume, fume, même si que ça te fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent la bonne air. C'est eux autres qui devraient aller dehors. Fume, fume, fume, même si ça te fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent la bonne air. C'est eux autres qui devraient aller dehors. Tu te casses un bras, tu vas au docteur. Il ne peut pas te guérir si t'es un fumeur. Tu fais un petit peu de pression, un petit peu de cholestérol. On va te guérir avec des pilules. Fume, fume, fume la cigarette. Fume, fume, fume, même si que ça te fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent la bonne air. C'est eux autres qui devraient aller dehors. Fume, fume, fume, même si que ça te fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent la bonne air. C'est eux autres qui devraient aller dehors. J'ai commencé à fumer, j'avais rien 12 ans. Ma mère m'a donné la permission. Des exportés, des demoriers, des players, puis des cravenés. Puis dans les hard times, j'ai même voulu des bottes. Fume, fume, fume la cigarette. Fume, fume, fume, même si que ça te fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent la bonne air. C'est eux autres qui devraient aller dehors. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent la bonne air. C'est eux autres qui devraient aller dehors. De nos enfants à rendre des méchants grands-pères, car la vie que nous menons bien souvent c'est pire que l'enfer. On a qu'à dire à nos amis, Nouvelle-Écosse en Gaspésie, au Cap-Breton, Midi-Brayant, on a si à prévoir. On est bien en Acadie, plus rien savoir du USA. On se fait pas mal, mais on est beau. C'est pas qu'il y a plus de poissons, y'a ben trop de bateaux. En Acadie, avec nos amis, Nouvelle-Écosse, en Gaspésie, au Cap-Breton, Midi-Brayant, on a si après près d'une maison. On lit des molles, ils voulant former aux écoles, puis notre langue, c'est pas dur. On a essayé qu'à garder notre culture, on a qu'à dire à nos amis, nous de l'Écosse en Gaspésie, au Cap-Breton. Chèque au crime, veut pas notre nom, il voulait rien d'information. 2000 piastres, c'est un gros secret, mais je me demande bien quel nom qu'ils mettent sur le chèque. En Acadie, et nos amis, Nouvelle-Écosse, en Gaspésie, au Cap-Breton. On a qu'à dire avec nos amis, Nouvelle-Écosse en Gaspésie, au Cap-Breton, Philippe-Rayon, on a si après près de belle maison. On a qu'à dire avec nos amis, Nouvelle-Écosse en Gaspésie, au Cap-Breton. Merci Caillouche. Ah, je rencontre une femme de cinéma, Sophie Blondie. À toi, mon ami. I want you here. va bien, vous? Bonjour. Vive le rock! Oui, excuse-moi, j'étais en train de régler, je suis un petit peu en retard, excuse-moi. OK. Mais voilà, tu as commandé quelque chose? Pas encore, non. Non, mais ils vont venir, ne t'en fais pas. Bien, là. Tu parles bien là, avec l'accent pendant, comme Carole Laure, tu parles comme Carole Laure. Non, mais toi, t'as quel accent, donc, Blondie? Ah, moi, j'ai Blondie. Moi, je suis du Nord, mais je suis. Ça fait longtemps que je suis à Paris. Mais j'ai jamais eu l'accent du Nord, moi. Mais en tout cas, t'as un accent pas très français. Mais je sais, mais on me dit toujours ça. Est-ce qu'on pense que t'es québécoise? Non, on pense que je suis d'ailleurs. C'est vrai? C'est sur vrai? Une autre planète, sûrement. Espagnol, non? Ah, non. Espagnol. Non. Mais il y a Charlie Couture, on l'a pris souvent pour un Québécois. C'est marrant, hein? Ouais. Et moi, c'est toujours... Ah, ça doute mes affaires. Non, excuse-moi. Okay. En fait, tu sais, j'ai fait beaucoup de festivals, j'ai beaucoup voyagé. Okay. Et du coup, je suis un peu fatiguée parce que c'est l'adrénaline, tu parles à plein de gens, tu fais des projections, après t'as la presse, après... Et c'est comme ça, et j'ai pris 3 avions en 8 jours et tout, ah, et quand tu rentres, c'est... Je comprends. On appelle ça le décalage horaire. Ouais. Moi, j'ai le travaillé... décalage horaire. J'ai travaillé... Tra... comme ça, les petits pendants. Ben, maintenant, mais il y a un terme en anglais que vous utilisez que je trouve épouvantable, quand il y a le décalage horaire. C'est ouais. Quoi en anglais, vous dites, là? On dit jet-lagué. Ouais, c'est épouvantable. Mm. Bon, peu importe. La langue française se perd en France. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que... En fait, on est dans une période de planétaire aussi qui change beaucoup. Ouais. Les vibrations changent à tous les niveaux, ouais. Écologiques, sociologiques, énergétiques. La Terre, elle se réveille, elle en peut plus. On l'a massacrée aussi. Et puis nous, nous, on est des enfants de la Terre. Et ouais, on l'oublie. On hein. Ressent tout. Ben, moi, j'essaie de ne pas l'oublier, tu ouais. Vois. Mais du coup, en ce moment, il y a beaucoup de transformations. À tous les niveaux, ouais. Même dans nos vies professionnelles, personnelles, les énergies sont très très fortes. C'est vrai. Puis là, c'était la pleine lune. En tout cas, toi, tu es très planétaire, tu es très arrivé vers les astres. On est sur une planète, ouais. Hein, quand même. Non, mais tu crois aux astres, à la direction de... C'est pas que j'y crois, c'est qu'on est une planète au milieu d'une galaxie. Ouais. Ça, c'est pas y croire ou pas. Non. Les gens, ils oublient, tu ouais. Vois. Tu te rends compte que la Lune, elle s'est rapprochée très, très proche de la Terre et que la Lune, elle déplace des marées. Ouais. Des marées, des, ouais, ouais. Des milliers ouais. De tonnes d'eau. Nous, on est fait d'eau. Donc, c'est normal qu'on soit... On est des animaux, quelque part. Nous sommes des animaux, ouais. Ben oui, donc il ne faut pas l'oublier. Non. Non, mais moi, je suis une hyper-sensible, de toute façon. Donc, puis on est... On est vibration. On est que ça. C'est Einstein qui disait ça. Et puis, on ne se comporte pas pareil en plein hiver qu'en plein été. Enfin, tu vois, c'est... Bien sûr que je crois aux planètes, puisqu'on est sur une planète. Oui. Ils sont très beaux. Ouais. Oui, le duo. Ah oui, mais les enfants, c'est toujours une merveille. Ben, oui, c'est vrai. Parce que c'est le seul contact merveilleux. Regarde. Oui. Coucou. Ça va, les enfants? Oh. Fatigué. Ça va, les enfants? Des fois, ils répondent pour les... Mais ils sont encore purs, donc c'est après qu'ils se... Oui, ben c'est pour ça que j'aime bien être avec eux, parce qu'on se comprend, c'est facile de communiquer c'est pour vrai. Moi avec des enfants. Moi aussi. Parce que t'es tout simple. Ouais. Hier, il y avait une dame qui attendait, c'est avec 2 bébés, mais des bébés, et je fais « Bonjour les bébés !» Et ils me regardent comme ça, des sourires, mais ça n'a pas arrêté. Et, c'est un cadeau. Les enfants m'intéressent beaucoup. Enfin, après, dans chaque être humain, il y a un enfant. Oui, qui sommeille. Des fois qu'il ne sommeille pas, qui est vraiment bien vibrant. Des fois qu'il est vraiment endormi. Hein. Ah oui, il y en a qui sont très vibrants. Il faut aller vraiment le réveiller. Oui, c'est ça. Oui. Il y en a, il est parti. Hein. Ils les ont tués. Il est parti, il faut le remettre. Hein. C'est-à-dire, coucou, souviens-toi. C'est vrai. En fait, je suis très fatiguée, j'ai peut-être mangé quelque chose. Sophie, tu as commandé quoi, toi? Moi, rien encore. J'ai attendu que tu arrives. T'as attendu que j'arrive. Tu parles comme Carole, là. Tu sais, je connais bien Carole. Oui, moi aussi. Ah oui, tu m'avais dit ça. Oui. Je suis très fatiguée, je crois que je vais manger parce que j'ai la tête qui tourne. Oui. Je vais manger juste, tu sais quoi, j'ai envie d'une... C'est un peu comme un brunch. J'ai envie juste d'une omelette, tu sais, toute simple. Oui, mais ils en font ici, très bonne. Ouais. Alors où est-ce que c'est marqué? Ah, je pense que c'est dans les desserts, non? Dans les desserts? Oui. Une omelette? Elle avait commandé... Non, une crêpe, elle avait commandé une crêpe. Ah, quoi, snack. Ah, voilà, ouais. T'as raison. Moi, je vais prendre omelette... Euh... Je vais prendre une omelette champignon, tu vois. Flying to the moon, ouais. Let me rock it to the sun. J'adore. Chanté par qui? Bon, par tout le monde. Frank Sinatra, en fait. Oui, ben voilà, évidemment. Ouais. C'est une merveille. Et ce matin, j'ai été tellement fatiguée, j'ai dit, allez, j'ai mis une chanson de Fred Astaire, hein. Tu sais, quand il danse avec Ginger Rogers, ouais. Et qu'il chante « Heaven, I'm in heaven ». Ah ouais. C'est tellement beau. Ah, ça fait remonter les vibrations, là. C'est vrai. Ah ouais. Moi, j'ai envie de... Voilà, des belles choses, des gens sympas. Et puis, en ce moment, je ne sais pas si toi, tu ressens comme ça, mais j'en parlais avec un ami ce matin. On n'a plus envie de couper les cheveux en quatre, tu vois. Les problèmes des gens, quand ils ont la santé, ils ont la famille qui va bien, ils ont l'argent, une maison, tout ça. Il y a un moment donné, je ne peux plus me prendre la tête pour des conneries. Je ne veux plus. T'as un problème de santé, oui, je suis là. T'as un problème, tu vois, mais pas pour des conneries. Ouais. C'est la révolution en ce moment. J'en veux plus. On cherche des faux problèmes. Mais moi, j'en cherche pas, moi. Ouais. D'abord, j'en ai, donc ouais. Je les règle. Ouais. Et puis surtout, je fais chier personne avec ça, quoi. Tu vois, chacun a ses problèmes. Ouais. Et du coup, je suis un peu dans un état de grande transformation, tu vois. Et j'ai senti ça quand je suis allée présenter mon film, là. En Italie? Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus vers moi. Et même, ça m'a fait bizarre. J'ai dit, bon, important de recevoir. On va commander avant que je tombe par terre. Oui, ben, il devrait arriver bientôt. Non, mais si tu attends qu'il vienne, tu peux. Non, attendre. Non, mais il est venu tout à l'heure. Et j'ai dit de revenir quand. Ouais, mais en France, tu sais, les serveurs. Non, ils sont très gentils ici. Oui, ils sont très gentils, mais. Ouais. Puis tu veux j'aille en chercher un? Ben ouais, parce qu'on va attendre longtemps. Ouais. Blondie, ça vient de quelle région? Du Nord, la Picardie. Ok. Mais toi, alors qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je fais une émission de radio. Ah, d'accord. Madame, bonjour. Bonjour. Je vais prendre une omelette champignon, s'il vous plaît. Et toi, tu prends quoi? Je vais prendre un coca. Et moi, je prends un coca normal aussi. Voilà. Ouais, j'ai besoin aussi de... Puis en plus, là, il fait froid aujourd'hui. Mais dès que je rencontre quelqu'un qui a l'accent, je parle l'accent tout de suite. Ouais, mais on sent que c'est l'accent. Ah ben... mais quand même... C'est pas spontané. C'est une petite évocation. Ouais, c'est ça, c'est bien. Une nostalgie. Non, c'est pas ça. C'est que je suis très... Si tu mecs des Italiens... Ah oui, c'est ça. C'est comme dans Zelling, tu prends l'inspiration. Zelling de Woodside. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que... En fait, où je suis, ça devient ma vie, tu vois. Donc, quand les gens parlent, bonjour, non, comment ça tout va bien, Nathier? Si, ça y est, je me mets à parler comme ça. Parce que je m'adapte d'une manière très automatique, en fait. Tu es réalisatrice. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à la réalisation? Je vais faire une interview, parce que je vais pas. Tu veux prendre des. Tu enregistres, là? Ben, toujours. Ah, t'es en train d'enregistrer, ben oui, là? Ben oui. Quel ben coquin. Oui, coquin, il me l'a pas dit. Ben, coquin. Tu vois des micros, je fais une émission de radio, mais c'est ça. C'est certain, je perds absolument rien. Ah bon, ben c'est bien. D'accord. Non, mais je pense. Parce que des fois, il te dit on démarre. Pas du tout. Moi, je démarre pas. Mais tu habites où, quoi? Moi, j'habite chez moi. T'habites au Québec? Au Québec, oui. Et là, tu es en France pour combien de temps? En éclair, comme à chaque année, je suis ici pour 9 jours. 9 jours seulement? Et je m'avais dit, oui, mais j'ai pas de temps à perdre. Là, oui. En plus, c'est, monétairement, ça coûte assez cher. C'est moi qui paye tout, c'est pas ma radio. Moi, j'attends pas qu'on m'offre de l'argent. Tu sais, moi, des fois, quand je vais présenter mon film dans les festivals, des fois, c'est les festivals qui payent. C'est ça. Mais des fois, ils payent c'est pas. C'est plus maintenant. Les radios ont plus d'argent. Et des fois, c'est le réalisateur qui va payer son billet pour aller présenter son film. Ouais, tu vois, il te paye l'hôtel quand même. Mais... Oui, absolument rien. Alors, moi, j'ai travaillé 7 ans pour faire un film. Et ils veulent que je le monte, que je fasse des masterclass, que je rencontre des écoles, que je rencontre des étudiants, heureusement quand même qu'ils me payent une chambre d'hôtel, tu vois, parce que je travaille quand même pour leur festival toute la journée, tu vois, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a amené au cinéma? La vie. La vie. le cinéma lui-même. Qu'est-ce que tu voulais faire Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, pour moi, le cinéma, tu vois, le premier film que j'ai vu, c'est La Strada de Fellini, j'avais 7 ans. Et pour moi, le cinéma, l'image, était la traduction de la vie intérieure. C'est-à-dire qu'on pouvait, dans une histoire, raconter l'histoire et toutes les émotions de tous les personnages et tout de la nature humaine. Et moi, ça me passionnait parce que, tu sais, c'est un peu quand on est petit, on a des histoires, mais finalement, la réalité dépasse la fiction. Et puis, d'un seul coup, ces images-là, enfin, ces histoires-là, ça se mettait en vie. Et les êtres humains racontent des histoires, des témoignages de leur vie, hein, ou des choses qui leur ressemblent, ou des rêves qu'ils ont. Mais pour moi, c'est la traduction d'une intériorité. Et c'est surtout ça, pour moi, ça a été l'ouverture de pouvoir, enfin, de savoir qu'il y avait cette dimension qui existait, où tu pouvais t'exprimer et faire exprimer des personnages. Et tu vois, j'avais 7 ans quand j'ai vu La Strada de Fellini. Alors, tu as aussi le théâtre qui exprime ça. Mais le cinéma, tu rentres, et si tu veux, c'est comme le troisième œil, tu as une perception, tu rentres dans une époque, pendant une heure et demie ou deux heures, tu fais un voyage, et c'est vraiment, oui, c'est ça. Voilà ce qui m'a amené au cinéma. C'est le cinéma lui-même qui m'a amené au cinéma. Ouais. Qui t'a amené par la main? Il m'a pris par la main, par le cœur surtout. Et je sais pas comment t'expliquer, grâce à ça. Mais c'est très fort ce que je vais te dire, et ça m'émeut même, mais j'ai su que j'allais être sauvée, quoi. Donc c'est très fort, tu vois. Ouais. T'as des gens, ils vont devenir pianistes ou peintres. Moi, j'ai su qu'il y avait vraiment une porte qui s'ouvrait. Je pouvais traduire tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Ou des gens que je rencontre, comme Laïgui, où je peux traduire des choses de lui, lui poser des questions, rencontrer ses amis. Mais c'est surtout traduire une perception du monde. Voilà, donc c'est, pour moi, c'est quelque chose de très magique. Hein. Le cinéma, il a commencé par la lanterne magique. Hein. C'est très magique et il y a une perception. Les ombres, c'est ça, les ombres. Oui, les apparitions. Ouais. Et ça a quelque chose pour moi d'extrêmement, je sais pas, magique, divinatoire. Ouais. Tu vois, tu t'assieds, il y a la lumière. En plus, c'est un faisceau de lumière. Et puis, c'est les frères Lumière avec Alice Guy qu'on découvre. C'est moi, c'est quand même l'apparition. Donc, il y a quelque chose pour moi de l'ordre d'un plus que nous. Et ouais, il y a quelque chose pour moi de, bah, comme dans tout art, de divin, quoi, qui est bien plus grand que nous, quoi. As-tu fait des écoles ou si tu t'es forgé toi-même? Je suis complètement autodidacte, il faut aucune école. J'ai fait moi-même mes petits films Super 8. Ouais, allez, monsieur, comme j'ai très froid, je peux mettre la glace dans le caniveau? Parce que là, vraiment, il fait trop froid. Non, mais vous pouvez mettre là. Non, pas pour que les gens glissent. Et si tu veux, je faisais des métiers à côté, puis je faisais mes petits courts-métrages, puis je les présentais. Je faisais des projections dans des lieux inédits, sur des toits, avec des copains. Jusqu'au jour où j'en ai envoyé à Canal+, ils m'ont acheté. Alors après, j'ai fait tous les métiers sur les tournages. Merci. J'étais stagiaire. J'ai vraiment démarré en bas de l'échelle sociale. Stagiaire, assistante, troisième, deuxième, première. Ça a été ton école? Script. Ça a été mon école. C'est-à-dire que J'étais coach, j'étais aussi Merci, monsieur. J'étais répétitrice. Il va falloir que tu enlèves ça parce que Non, tout va bien. Bon. Et si tu veux, j'ai travaillé avec des grands réalisateurs, mais aussi avec des pour la télé, toutes sortes de choses, des courts-métrages. Et j'observais beaucoup. Puis je faisais une école de théâtre, moi, à côté. Et puis je faisais. Mais j'ai gagné ma vie comme ça sur les tournages. Bon, des fois c'était un peu ingrat parce que tu commences en bas, t'amènes les cafés, tu fais le ménage. Mais moi j'étais très heureuse. Parce que tu voyais tout ce qui se passait autour. Je voyais tout ce qui se passait autour, puis on me donnait le scénario, j'observais tout en faisant mon travail. Et j'étais payée, donc je pouvais payer mon loyer et manger. Donc j'ai appris par des rencontres pendant des années, voilà. Puis après, je me suis lancée, j'ai commencé à faire des... J'ai voulu faire des films documentaires. À quel moment, ça? Des années 80? Non, après, quand même. Je suis pas si vieille. Non. Et j'ai fait mon premier long métrage après avec Guillaume Depardieu, qui est d'ailleurs disponible maintenant sur Univers Ciné Plus. Il y a quelques jours, Canal Plus, ils ont un site, Univers Ciné Plus, ils me l'ont pris. Donc elle est lui au 14e étage, tournée à Amiens avec Guillaume Depardieu. Qui a eu ses premiers rôles? C'est un film un peu choral, donc tu verras, film en noir et blanc. Tout le monde me dit que c'est un film un peu... Je sais pas, comme si j'avais fait un cinéma de l'Est, hein, tu sais. Ah ouais. Des fois, c'est par manque de budget aussi. Et je joue dedans. Non, de toute façon, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais tu sais, une idée, ça vient pas de nous, elle vient dans ses... Ouais. Il faut la capter. Voilà, elle passe à travers nous, et nous, on a la responsabilité de l'accueillir et de la partager. Donc, un film, c'est lui qui te conduit, si tu veux. Moi, je m'en suis rendu compte très vite quand j'avais fait un film sur la vie des éboueurs à Paris. Oui. Non, au début, c'était un film sur les enfants, plein de quartiers où j'avais suivi, tu vois, dans les quartiers riches, des quartiers plus défavorisés à Paris. Et j'avais fait plein d'images dans plein d'écoles. J'avais eu toutes les autorisations. Je laissais beaucoup parler les enfants. Puis je me suis mis au montage, où j'avais évidemment préparé des choses. Toujours, je mélange la couleur et le noir et blanc, je tourne avec des petits... une caméra Super 8 et je mets ça dedans. Et j'ai très vite compris qu'en fait, le film, il t'embarque. On est au service de ce qu'on fait. Ouais. Alors, c'est vrai que tant que tu ne l'as pas fait, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Mais c'est plus fort que toi, c'est comme un peintre qui va dire, ou tu vois, un chanteur, il va me dire, je me suis réveillée une nuit, la chanson, elle est sortie comme ça. Tout ça, c'est très mystérieux, il faut rester très humble. C'est mystique. Moi, je pense que des fois, je veux tout arrêter parce que je suis fatiguée, parce que c'est long de trouver l'argent, il faut convaincre tout le monde. Après, faut repartir à zéro à chaque fois. Voilà, exactement. À chaque fois, tu as des gens très enthousiastes et tu as des gens qui t'emmerdent parce qu'ils veulent faire le film à ta place. Et c'est toujours comme ça. Mais des fois, je veux tout arrêter. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui me fait rebondir. Et hop, un rendez-vous qui arrive. Et tu vois, c'est toujours comme ça. C'est la passion. Oui, c'est la passion, mais c'est parce que c'est plus fort que moi. Oui. Si c'était pas plus fort que moi, j'arrêterais. C'est trop dur. Parce que, si tu veux, surtout pour faire des œuvres, entre guillemets, hein, toute proportion gardée, mais avec une certaine joie, une certaine liberté. Une spontanéité aussi, quelque chose de... Mais une fraîcheur d'âme, une fraîcheur de cœur. Ah ouais. Puis tu sais, moi, je suis une femme. Au début, je n'avais aucun a priori, parce qu'il y a des hommes extrêmement bienveillants. Ouais. J'ai rencontré des hommes bienveillants, ils s'en foutent que tu sois un homme, une femme. Ils ne voient qu'un être humain. Ouais. Mais par contre, il y en a... Ils compensent beaucoup par un machisme un peu rétrograde. Enfin, c'est bizarre. Voilà. Et tranquillement, tu as voulu aller plus dans la fiction ou le documentaire? Bon, les deux. Les deux. Parce que tu l'as vu, mon film, Talmi Egui? Non, mais tu devais m'envoyer le lien, mais je ne l'ai pas eu. Ah, mais tu sais, j'étais c'est pas grave, j'étais dans les avions et tout. Je vais te l'envoyer, tu verras. Je vais te l'envoyer, excuse-moi, parce que normalement, quand je dis que je l'envoie, je le fais dans le... Oui, mais il n'y a pas de problème, pas de problème. J'ai pas voulu, ouais, c'est ça, j'ai pas voulu parce que tu étais en Italie. Ouais, et je ne voulais pas t'emmerder parce que... Non, mais j'étais surtout très occupée, oui. Autrement... Mais je sais c'est quoi, donc c'est pour ça que j'ai pas insisté. Je vais te l'envoyer, je vais te l'envoyer. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Mais par contre... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est ça, et c'est chaud. Je me dis, je suis dingue ou quoi, c'est une bouche. Attends, mais je voulais répondre à ta question d'avant, c'était quoi? Fiction Oui, non, c'est parce qu'en fait, tu vas voir dans le documentaire... Bien sûr, ça se construit différemment, mais il y a des moments où j'aime bien avoir des moments d'envolée. Même sur les éboueurs, tu vois, je les ai filmés en noir et blanc, en train de chanter. Le lyrisme. Oui, et puis une forme de métaphore poétique. Ouais. Et j'aime bien traduire l'intériorité des personnes et voir la poésie en elles et aussi la beauté en elles, quoi qu'elles fassent, tu vois. Aller plus loin que la représentation professionnelle. Aller vraiment au cœur, tu vois, profondément. Mais c'est de trouver la magie aussi de ce que l'on filme. Des fois, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fatigue quand les gens parlent derrière moi. Je suis très fatiguée. Ouais, mais là, on ne peut pas empêcher les gens de vivre. Non, mais on va juste attendre qu'ils aient terminé. Ok, oui, pas de problème. Oh, oui. Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. J'attendais juste qu'ils aient fini. Oui, en fait, les meilleures critiques... Alors là, pour Talmighi, en France, j'ai eu beaucoup de critiques. Puis là, le film est parti à San Francisco, en Italie, en Grèce. Enfin là, il y a plein d'autres festivals qui s'annoncent. Mais tu vois, les meilleures critiques de films... J'en ai eu quand même pour le film à Guillaume Depardieu, oui, dans Libé, dans pas mal de... Mais les meilleures critiques, c'est pour mon deuxième long métrage, L'Étoile du Jour, où déjà il y avait Iggy Pop, Denis Lavant, Béatrice Dalle, etc. Les meilleures critiques que j'ai eues, c'est aux États-Unis. Ils sont moins chatouilleux? Hein? Ils sont moins chatouilleux, ils sont moins critiques. Et... Je sais pas. Mais comment tu as connu Iggy Pop? Mais je le connais. Mais ouais, mais comment tu as fait pour le connaître? Tout le monde me pose cette question depuis 13 ans. OK. Alors, je vais te dire, c'est très simple. Je ne connaissais pas Iggy Pop. Je ne suis pas issue de ce milieu. Moi, je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne. Je n'ai pas des oncles ou des machins qui m'ont introduit dans ce milieu. J'ai dû me battre toute seule. Je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne. Donc, moi, je vais sonner aux portes. Donc, c'est facile. Si tu veux, il faut être un peu imaginatif. Tu regardes les pochettes de disques, les producteurs, machin, puis tu leur écris. Ouais. C'est comme ça que ça s'est fait. Comme je fais pour mon émission. Ouais. Ben voilà, c'est tout. Ouais. Parce que, si tu veux, tu vois, en fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Et j'ai envoyé une bouteille à la mer. J'ai vu une adresse mail et j'ai écrit, c'est tout. Ouais. Mais si tu veux... On ne se casse pas la tête, on y va, puis c'est ça. Mais si on frappe à la porte, si on ouvre la porte, tant mieux, on met le pied et on continue. Oh là là, il y a des frites avec, j'avais pas vu. Un tout petit peu pousser ton... Je vais manger, alors mais tu vas avoir une interview. Merci. Oui, il n'y a pas de problème, on en fait souvent. Tu vas avoir une interview quand je mange? Ben oui, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais manger, je ne sais pas si je vais beaucoup parler. Il n'y a aucun problème, mais tu fais comme tu veux. Et toi, tu habites où alors? Chez moi. Mais où? À Québec. À Québec, la ville de Québec. CKRL est la première radio communautaire francophone au monde. Ah, d'accord. On est né en 74, on a fêté 50 ans en février. Et t'es à combien de Montréal? Ben, c'est 2h30, 3h en hiver en voiture. Ah, mais pas loin. Ben non, mais la ville de Québec, c'est une ville francophone. Montréal, c'est beaucoup plus hétéroclite, de moins en moins francophone. Excuse-moi, je vais regarder sur la carte. Ah, il n'y a pas de problème. Le Québec, la ville de Québec, c'est la province de Québec. Voilà. Et donc, CKRL a amené dans les années 80 les radios libres. Ici, Carbone 14, Super Nana. Ouais, tu l'as vu le film là, incroyable. Ben oui, je l'ai. Comment ça s'appelle déjà? C'était sur les Radio Libre. C'est non, ça. Mais le film. Carbone 14. Non, le film où. Où on voit la fesse. Sur un bateau là. Ah, je sais pas celui-là. Mais si, c'était en Angleterre, ils avaient fait une radio libre sur un bateau. Ah, ok. Et extraordinaire. Ben, il y a un film qui s'est fait ici sur la radio libre. Non, là, c'était en Angleterre. Ouais, ok. Et c'est des jeunes qui sont. Mais c'est anglais. Et ils sont mis. Et du coup, ils étaient sur un bateau extraordinaire. Bien, CKRL, c'est la première radio communautaire francophone au monde. Et c'est nous qui sommes arrivés ici et avons donné la chance au Carbone 14, Super Nana, de vivre. Et aujourd'hui, il reste Radio Libertaire, quelques radios comme ça. Et voilà, c'est une époque de liberté. Encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand tu dis Radio Libre. Hein. Voilà. Non, mais je parle même en France. Oh oui, oh oui. Il reste Radio Libertaire et quelques autres radios. Ouais, qui... Et dis-moi, alors, toi qui connais, comment ça se passe le cinéma? Parce que moi, j'avais parlé avec Carole Laure, elle me disait, tu sais, je la connais bien depuis 20 ans. Mais elle me disait que là-bas, la production, bon, c'est... J'en sais rien. Elle ne m'a pas donné des choses très concluantes sur le fait de faire des films là-bas, même pour des Français, tu vois. Ben, c'est comme partout, il faut aller chercher l'argent. Et l'argent, il y en a de moins en moins. Je l'ai aimé, reposer la question. Posez-la au présent, seul le temps est passé. Nom, prénom, qualité, non, pas de nom. Disons B pour le nom comme abandon et le prénom Anen. BN m'a laissé Béate et chocolat. Ses défauts, il est fou, il en a, il en faut. Rien ne lui fait défaut, BN a tout raflé. Il a tout reniflé, et moi avec. N comme never again. Moi j'aime bien l'Empire, la mise en abîme. L'Empire de la lumière, c'est un grand film. Hein. J'aime bien les mises en abîme. Un film qui parle de cinéma, là, ça m'interpelle. Ou quand il se passe quelque chose, comme François Truffaut, La Nuit américaine. Ah ouais, ben, j'étais au studio de la Victorine, là, travailler, où ils l'ont tourné. Ouais, ok. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah, oh, c'est... Avec la musique de Delerue. Oui. C'est tellement entraînant. C'est la scène du chat, le chat avait mangé malheureusement, puis il ne pouvait pas aller dans le plat. Puis là, c'était... Puis on raconte le film dans le film. L'actrice qui est enceinte. Et on enlève les seins. Je l'ai vu au moins 10 fois. Ah, ouais, moi, ça fait partie de... Ouais. Mais... Il y a une vraie réjouissance. J'ai même photographié la grue de La Nuit américaine du plan d'ouverture. Ouais, ouais. J'ai connu des gens qui ont travaillé dessus. Il y en a un qui est décédé maintenant. Oh, c'est dommage. C'est dommage, mais la vie passe, le temps passe. Voilà. Mais ce qui reste du cinéma... C'est pour ça que j'ai plus envie de m'emmerder avec des gens... Qui, enfin, tu vois, je veux plus là en ce moment, mais je peux plus supporter. J'aime bien la franchise, j'aime bien l'enthousiasme. On est fatigué, on se repose. Bon après-midi, mais hein. Je peux plus couper les cheveux en quatre. Mmh. Je veux vivre des vrais moments. Pour le temps qui reste, il faut se concentrer sur les gens qui nous apportent, voilà. Et non pas les gens qui nous font du partage. Oui, et qui nous tirent tout le jus que l'on peut mettre dans quelque chose de positif. Ah. Mais je deviens allergique. Oui, moi aussi. Mais moi, j'ai écarté des gens de même. Mais bon, ça m'a... Des gens toxiques. Des gens toxiques. Oui, mais parfois, c'est dur parce que c'est des gens qui peuvent être gentils de l'autre côté, qui vont te rendre un service, tu vois. Oui, donc tu mais sais après plus ça, trop. Tu vois l'autre personnalité qui se pointe. Ouais. Oui, oui, oui, oui. Il y a des gens qui ont des doubles... deux personnalités, oui. Dire qu'ils ont... Il y a la façade et puis il y a derrière, ouais, tu vois. Oui, oui, oui. Ouais. Et il y en a qui sont intègres partout. Et en ce moment, les masques tombent. Hein, oui, tu vas voir, oui. Puis c'est pas fini. C'est que le début. Oui. Et Dieu donc, merci. Moi, je suis prête, j'ai pas de masque. Alors, c'est tu ça. Peux y aller. Moi, je comme, peux bien. Comme disait Godard, Dieu reconnaîtra les siens. Mais c'est vrai. Oui. Enfin, j'ai surtout Dieu qui a dit ça. Dieu n'a jamais rien dit. C'est les hommes qui lui ont donné des choses à dire. Non. Attends, nous sommes... Dieu est grand et je suis toute petite. Hein. Oui. Mais nous avons tous en nous la grandeur. On est des enfants de la Terre, si tu préfères, des enfants de l'univers. Parlons de la force de l'univers, c'est ça dont je parle. Tu vois, la force de la vie, la force de la Terre, là, tu vois, ils mettent ça, boum, demain, il y a des fleurs qui arrivent à pousser à travers les pavés, quoi. C'est ça la force de la vie, vie avec un grand V, et l'univers infini, voilà. Bah oui, on est des petites poussières d'étoiles, mais on est là. Est-ce que c'est ce que tu veux décrire dans chacun de tes films? De quoi? La force de la vie. Je sais pas. Inconsciemment? Faut que tu vois mes films, tu verras après. J'en ai vu deux. T'as vu quoi? J'ai vu celui... Attends un petit peu. Je sais pas quel film t'as vu, hein, parce que... Elle et lui vient juste de sortir. L'étoile du jour n'est pas encore sortie. Non. Et Tell Me Iggy, tu l'as pas vu. Donc je pense pas que tu aies vu aucun film de moi. Ah ouais. Alors, t'as combien de films à ton actif? Mais c'est dommage, t'aurais dû me les demander. T'aurais dû me dire, on va faire une interview, faut vraiment que tu m'envoies mes films, je l'aurais fait. Non, mais t'as combien de films à ton actif? Ben, j'ai fait des documentaires et deux longs métrages. Ok. Attends, je vais arrêter un peu, faut que je mange parce que. Oui, oui, vas-y. C'est pas bon de parler en mangeant, t'avales de l'air. Ah oui, ah, tu veux pas faire une pause, là? Bah, on va faire une pause, mais moi, j'arrête pas mes magnétos. C'est ta façon de faire, alors. Ah ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est bien, c'est marrant. Bah, on va passer à de la musique. Ouais, voilà. On est bien, là, c'est pas trop chaud. Non, on est bien. Ah oui, pour un Canadien, ouais. Un Québécois. Oh là là, non, pardon. Mais oui, il y a une différence. Oh là peut-être là. Pas pour Carole Laure, mais pour moi, oui. Tu l'aimes pas, Carole Laure, on dirait? Bah, elle me dérange pas, donc... Je l'aime comme comédienne, comme chanteuse, comme danseuse. Comme femme, c'est autre chose. C'est un point de vue différent. Oui. Hein. Enfin, moi, je la connais, on est en lien, mais j'ai dû la voir 400 fois, tu vois. Ah, hein. Ouais. Et quand son mari fait des spectacles ici, elle m'invite, tu vois. Oui, oui, elle oui. est fidèle. Oui, oui. Elle m'envoie un petit mot. Ah oui, son mari, qui fonctionne beaucoup moins au Québec, mais beaucoup plus à l'extérieur. Bah, tu vois, nul n'est prophète en son non, pays. Non, il m'en dit ça à Félix Leclerc, il sait. C'est toujours pareil. Ah oui. Ouais. Félix Leclerc a été accueilli comme un héros lorsqu'il est reparti de la France avec... parce qu'il a été reconnu par Brassens, Brel et tous les autres. Mais avant ça, Félix Leclerc, c'était absolument rien, personne. Oui, mais c'est tout le temps comme ça. Mais c'est... Moi, j'ai un copain qui était chef d'orchestre en France. Bon, il se retrouve directeur, enfin chef d'orchestre à Chicago, du grand orchestre de Chicago. Eh oui, blanc. Après, à Tokyo. Alors, la France l'a ramené, maintenant il est à l'opéra. Oui. Mais avant, c'était mais ça, c'est faux cul, hein? Mais c'est tout le temps comme ça. Ah ouais. Il y a beaucoup de chercheurs qui partent de la France. Il y a plein de gens qui partent. Oui, c'est vrai. Bah, on n'apprécie pas leur qualité ici. Alors, il y en a certains qui l'apprécient. Oui. Mais bon, voilà. Toi, t'es marrant. Alors, toute l'année, tu fais quoi? Tu travailles à la radio? Non, pas du tout. Moi, j'ai une émission depuis 20 ans à CKRL. Mais CKRL, c'est une radio associative, donc... Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a 7 personnes qui sont payées, qui sont salariées. Moi, je fais du bénévolat. J'ai un plan B. Je suis gérant dans une épicerie. J'ai travaillé 30 ans de nuit comme caissier dans le quartier chaud de la ville de Québec. Oh là là! Oui, c'est pour ça que moi, le décalage horaire, ça n'existe pas. Donc. Faut être en bonne santé hein, pour faire ça. Hein. Ben non, mais sinon, non, pas vraiment parce que. Moi, je suis devenu insomniaque. Donc, ma santé s'est beaucoup dégradée. Mais j'ai pas arrêté. Et le spectacle continue. Parce que moi, c'est les gens qui... Écoute, quand tu travailles de nuit et que tu es dans un lieu ouvert, donc les gens veulent venir parler de leurs problèmes. C'est comme Barbara qui avait une ligne directe et les gens pouvaient l'appeler. Alors, imagine, pour raconter leur tracas et... Il y avait ça en France aussi, ça s'appelait Macha. Macha, oui. Ouais. Mais moi, c'est une épicerie où les gens allaient acheter des choses, des cigarettes, des clopes. Puis ils venaient se confier. Ben, ils venaient parler parce que c'était le seul endroit où on pouvait rencontrer quelqu'un. Que tu deviennes... C'est ça. Tu tu sais, les gens qui aident. Les psychologues. J'étais psychologue sans l'aide. Mais oui, mais c'est ça. Avec un salaire de caissier. Bien sûr. Hein. Mais c'est vraiment. Les gens ont énormément besoin de parler. Oui, c'est ça, mais c'est un acquis aussi de comprendre tout le monde. Écouter les gens sans les juger. Avoir une empathie. Oui, voilà. Voilà. Moi, les gens, je confie beaucoup à moi. Mais des fois, dans des lieux, tu vois, je m'assieds, quelqu'un vient me faire un sourire. Et il me raconte tout, il me raconte tout. Il y a des moments, je dis, bon, il y a aussi, c'est quand je suis dans le train, bon, je me protège aussi parce que, bon, hein, des fois, tu peux te laisser envahir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien, il y a une femme au Québec qui s'appelle Jeannette Bertrand, qui est une auteure, une femme qui a été féministe avant le temps, qui revendiquait la condition de la femme. Et encore aujourd'hui, elle a 94 ans, elle vient de finir un livre. Ah, et, ouais? Et les gens allaient et à chaque fois qu'on voit Jeannette, on va lui parler, on va se confier. Puis de choses très, très intimes, parce qu'elle a ouvert sur la sexualité des aînés, comme si... Puis elle doit comprendre les gens. Ah oui, elle comprend, oui, Jeannette Bertrand. Parce que c'est ça, quand quelqu'un te parle, c'est agréable d'être compris, oui. Tu vois. Moi, j'essaie toujours de comprendre les gens et de saisir des choses par rapport à leur propre fonctionnement, à eux et leur expérience. Donc ça te permet de comprendre beaucoup plus les gens. C'est vrai, c'est vrai. Et toujours sans juger, parce que c'est tellement facile de juger. Ben non, il n'y a pas à juger, c'est essayer. Alors des fois, tu peux les mettre en garde, oui. Quand tu sens que, bon, oui. Ils peuvent être en danger pour quelque chose, tu peux un peu les mettre en garde. Mais j'ai toujours dit une phrase, c'est très facile de juger et très compliqué de comprendre. Oh ben... Parce que juger, c'est spontané. Tu réfléchis pas et c'est un acte. Rapide et sans réflexion. Tu juges. Mais bon, après, il y a des trucs qui sont durs à comprendre quand même. Hein. Ah oui, mais là, c'est pas à nous de. C'est juste être là puis écouter. C'est non, il y a des. J'ai quand même des limites, si tu veux. On n'a pas non plus. Non, mais t'as des gens qui font des trucs horribles, bon. Oui. Alors, on peut comprendre qu'ils sont eux-mêmes en souffrance. Oui. Mais il faut quand même faire attention. Ah oui, oui, mais là, il y a toujours. Ouais, il y a toujours. Ouais. Chaque personne est à prendre individuellement. Il y a des gens dangereux, hein. Ah oui, oui, effectivement. Ils sont pas tous en prison, hein. Ouais. Quand tu fais mal. Oui, oui. Oui, puis il y en a qui vont passer à côté de la traque dû au fait qu'ils ont un titre. Intouchable. Ça fait bien de manger. Et tant mieux que... On va parler de cinéma, tant mieux que... Austin qui s'est fait arrêter par la police pour avoir abusé de comédiennes et tout ça. Celui qui a amené Fiction Pulpeuse et tous les films extraordinaires. Il y en a encore qui sont... Oui, oui. Qui tournent des films dehors, hein, je peux te le dire. Hein, parce que moi, quand j'étais jeune comédienne... Ils gênent pas. Hein. Non. Alors, ça les empêche pas de faire des très beaux films. Hein. Ça peut être des très très grands réalisateurs, des grands artistes. Mais ils se permettent des choses, je peux te dire. Et là, ils tournent tous, ils sont là, hein, t'inquiète pas. Ah oui. Nos nuits blanches, nos matins gris bleus. mais pour moi une ex. L'éducation vaudrait mieux. Oh, sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais mieux. Comme une fille qui mord dans la vie. Qui quoi? Qui mord dans la vie. Es-tu une épicurienne? Je dirais pas que je mords, mais je goûte, je savoure. Peut-être que je suis pas assez, mais oui, quand même, j'aime bien jouir de... Je trouve que la vie est très généreuse. Je suis très contemplative aussi. Oui, j'aime bien. Ouais, peut-être c'est ça épicurien, je ne sais pas. Est-ce qu'elle te le rend bien, la vie? Ah bah oui. Bah oui, oui. Mais je te dis ce que je crois, moi, que c'est la vie, c'est un boomerang, quoi. Après, c'est un travail de tous les jours, de s'écouter d'écouter son cœur. Comme on disait, de ne plus donner de temps ou d'énergie à des situations ou à des relations qui ne te portent pas toxique. Vers le haut, quoi. Toxique aussi, il y en a. Il faut essayer de donner le meilleur de soi. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose. Essayer de devenir meilleur chaque jour. Pour soi et pour la vie, pour les autres. Ouais. Et c'est spontané, c'est pas réfléchi. Donc, il n'y a pas de travail. Tu es ce que tu es. Tu es authentique. Oui, je sais, mais il y a quand même des choses à cultiver, tu vois. Des fois, tu as des pensées, tu dérapes un peu, tu dis non, il faut cultiver des pensées. Regarde, tu as passé un bon week-end, pourquoi tu vas te polariser sur deux personnes qui t'ont fait chier, alors que tu as, par exemple, tu as vu un concert où c'était merveilleux, où tu as fait des belles rencontres. Tu sais, essayer de se polariser sur les belles choses et les belles personnes. Ouais. Donc, c'est quand même un travail qu'on cultive tous les jours comme un jardin. Il faut enlever les mauvaises herbes, il faut replanter des fleurs, il faut couper. Enfin, c'est quand même un travail de tous les jours, se remettre au diable. Alors, il y a des jours, tu as la pêche, tu es positif toute la journée, puis des jours, bah, il faut travailler pour ça. Ouais. Si, c'est quand même un travail, je crois. Mais un travail comme cultiver un jardin, quoi. C'est ça. Au quotidien. Au quotidien. Oui, puis, oui, c'est ça, c'est au quotidien, ouais. Est-ce que t'es une fille avec beaucoup de projets? On en a parlé tout à l'heure. Oui, j'en ai plusieurs, oui, oui, bien sûr. Lesquels? Bah, je ne vais pas te le dire. Moi, okay. Tu sais, j'aime bien dire quand c'est signé. Okay. Mais je peux te dire que j'en ai plusieurs. Il y a un long métrage sur lequel j'œuvre depuis longtemps. Là, il y a un autre projet de documentaire qui se profile. Oui, j'ai plein de projets, plein. J'ai beaucoup travaillé sur... Oui, il y en a plusieurs, oui, oui. Ouais. Et là, j'ai le projet d'être heureuse. Hein. Oui? Ah ouais? Et comment tu fais pour accueillir ce... ce bonheur-là? Ben, là, tu parles d'accueillir, déjà. Ben, c'est mais déjà, tu n'étais pas heureuse? Déjà, je me... Ben, tu sais, des fois, tu vis des choses dures, hein, quand tu as des deuils, des trahisons. Je me dis que chaque chose m'enseigne et je me rends responsable. Tu sais, Jean-Paul Sartre disait une phrase très importante. Il disait, t'es pas responsable du mal qu'on t'a fait. Mais tu es responsable de ce que tu fais, de ce qu'on t'a fait. Donc, quand il y a un truc qui ne va pas, ben, je me dis, t'es responsable. C'est toi qui conduis. Donc, si cette situation ne te rend pas heureuse, ben, c'est tout, tu la changes. Parce qu'autrement, tu te positionnes en victime. Alors oui, il y a des gens qui peuvent te faire du mal, t'agresser. C'est à toi de te repositionner, dire ça. Je ne veux plus laisser la place. Et quand tu ne laisses plus la place, ça n'arrive pas. Ça n'arrive plus, mais on a des vieux réflexes qui reviennent toujours. Donc... tous les jours, c'est un travail, vraiment. Je crois que oui, ça, Puis après, bon, il y a des... Hop, dès que tu changes de vibration, ben hop, tu rencontres d'autres gens et ça peut se déployer de manière beaucoup plus facile. En fait, je ne veux plus me laisser emmerder, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Je veux la paix, moi. Moi, j'aime bien voir des gens heureux. Quand je vois des gens qui arrivent à s'accomplir, qui arrivent à avoir un projet qui se fait, je me réjouis beaucoup du bonheur des autres, ce qui n'est pas du tout français. Les gens en France sont très jaloux. Ouais. Et puis, je sais pas, je vois des amoureux. Pour moi, c'est toujours un espoir. Et je me dis, qu'est-ce que c'est beau. J'aime voir des gens heureux, j'aime voir des enfants se réjouir, même des adultes, enfin, je sais pas. Le bonheur des autres me donne beaucoup. Ouais. Ah, ouais. Et tu essaies de prendre l'énergie aussi de ce bonheur-là? Non, je prends rien du tout. J'aime pas prendre, donc je ne prends pas. Mais je regarde, j'observe et ça me rend heureuse simplement de voir des gens heureux. Ça me porte aussi à l'être moi-même. Mais ça a toujours été comme ça. Ouais. Tu vois, j'ai des amis qui sont partis très loin. Ils sont partis à l'étranger. Et il me manque beaucoup parce qu'on partageait beaucoup de choses, beaucoup de joie, on faisait plein de choses ensemble. Je me dis, ma seule consolation, c'est que je sais que vous êtes heureux. Ouais. Ah ben c'est déjà beaucoup, hein. Ben, il n'y a que ça qui me console, parce qu'il me manque beaucoup quand même dans le quotidien. Mais je me dis, bon, c'est la vie, ça va laisser de la place aussi à d'autres rencontres. Mais les vrais amis, on n'en a pas tant que ça, quoi. Et es-tu une femme qui aime, pour terminer, aimes-tu les vacances? Aimes-tu prendre... Là, tu t'en vas à Baie-les-Bains? Où ça? Non, mais je ne sais pas si je vais y aller parce que... Je ne sais pas si je vais y aller parce que... voir un concert d'Iggy, là, ouais. J'attends, non pas à Aix-les-Bains parce que les trains sont pleins, les hôtels ouais, sont pleins. Ça. Peut-être à Lyon. À Lyon, je vais voir. Mais de toute façon, ça, c'est des moments de bonheur, hein, d'aller voir Iggy en concert. Alors là, je peux t'assurer que tu reçois de l'énergie. Ouais. Hein. Il donne de l'énergie. Iggy, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit dans mon film, « It's a giver, not a taker ». C'est quelqu'un qui donne. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup. Et donc, tu reçois de l'énergie, tu reçois... Surtout à cet âge-là, c'est merveilleux. Tu reçois un éveil à toi-même. Ouais. Les vacances, disons que j'aime bien... quand même aller me baigner dans la mer du Nord. Ouais. Oui, j'aime bien prendre le temps, me régénérer, mais tu sais, je sais pas comment dire, j'ai toujours des projets en tête, d'écriture, de choses comme ça, donc c'est pas... Tu vois, ça s'arrête pas. Ouais. Mais ça peut être des moments de découverte, effectivement, de partage avec d'autres gens, des moments de contemplation quand tu vas à la mer ou que tu... Oui, merci. Tu vas à la mer, tu prends le soleil, tu fais des balades. C'est important de faire des parenthèses quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, oui, c'est oui, pour se ressourcer. Et d'aller dans la nature ressourcer, c'est très important. Moi, j'aime bien faire du canoë. Ah oui. Dans les courants, ouais. Dans les rivières. J'adore ça. J'adore ça. Autre chose. Hein? En dessert. Alors, non, merci, monsieur. Non, pardon? Merci. Non, on n'en veut pas. Un café. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Ah, t'es sûr? Ben oui. Ah bon? Pour l'émission? Oui, je suis sûr. Toi, t'es-tu certaine? Je sais pas si j'ai encore. Mais j'espère que j'ai... On n'a pas tellement parlé du rock. Non. Le rock, c'est important parce que c'est un réveil... Au sens. Oui, enfin le jazz aussi. Hein. Oui, le blues, toute là, musique. Là, je suis à toute musique. Enfin, toute musique. Tu as des musiques qui te portent vers le haut quand c'est même vrai. Et d'autres moins. Oui. Là, je suis allée à un festival de jazz. J'ai vu jouer, tu sais, Kyle Inswood, le oui. Fils de... Oui. Extraordinaire. Puis j'ai vu oui. Anne Ducrot. Ah ouais, Anne Ducrot, oui. Tu la connais. Ben oui. Grande chanteuse. Oui. Je la connais. Et c'est vraiment... Ça te porte vers le haut, les c'est gens vrai. Qui font des bœufs, etc. C'est vrai. Ah, tu faut prendre au-dessus, excuse-moi, mais en dessous, ça va pas. Comme ça, ici? Ben oui, parce que okay. Si tu prends les gens d'en dessous, on est moche. Ah, oh, c'est bon. On voit les crocs, là. OK, on y va. Pour la route. Tu veux que j'enlève mes lunettes? Comme tu veux. C'est toi qui décides. Un bisou. En plus, avec le rouge à lèvres, c'est merveilleux. Hein? Une empreinte... Heureusement que j'ai une barbe. Merci. Merci de ta grande générosité. Ah bon, tu trouves? Ben oui, je trouve. Ben tu sais, j'étais quand même un peu... Je suis quand même un peu fatiguée. Il y a des jours comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puis fais-toi-en pas, c'est moi qui paye, ça me fait plaisir. Ah bon? Ben oui, je paye. Ah oh, ben c'est gentil, écoute. Ben, écoute merci de ta générosité à toi, alors. Tu as pris de ton temps pour me rencontrer, donc c'est la moindre des choses. Eh bien, écoute, moi, ça m'a fait plaisir parce que, tu sais, des fois, quand les gens... Tu veux que je m'en aille, là? Non. Stag est arrivé, mais il n'y a pas de problème. Tu sais, je veux te dire, quand les gens te posent des questions, comme toi, tu me poses... En Italie, j'ai eu 14 interviews. C'était beaucoup. Oui. Parce qu'à chaque fois, tu dois donner le meilleur de toi. Tu réfléchis, être juste aussi. Eh oui. Et tu veux rester authentique aussi, tu veux pas... Oui, voilà, et en même temps, ça te fait réfléchir sur aussi ton chemin. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Merci de ta générosité. C'est qui, Stan? Stag, c'est un auteur, compositeur, interprète, qui est rendu à son troisième album. Ah bon? Eh oui. Il fait quoi? De la musique, c'est un chanteur, auteur, compositeur, interprète. C'est bien, je connais pas. Non, mais il y a plein de monde qu'on connaît pas. Hein. Oh, ben ça... Mais lui, tu connais Anne Ducrot, alors ben je vais oui, lui Anne dire. Ducrot, ben oui, ben oui. Mais moi, je l'ai rencontrée, je ne la connaissais belge. Pas. Elle est belge. Non. Oui. Ah bon? Oui. Non, Jasmine belge, oui. Elle a repris des chansons, Les bicyclettes, tout ça, c'est merveilleux. Je l'ai rencontrée il y a 5 ans. Ah ouais, ouais. Ouais, ah ouais, ben ouais. Tu verras, dans mon premier long métrage, il y a la chanson de mon temps, Bicyclette. Eh ben voilà, c'est ça. Et voilà. Que ma mère s'appelait Paulette. Paulette! Oh, avec Paulette! C'est pour ça que j'ai reconstitué une partie de sa jeunesse. Eh, un retour aux sources. Bon, allez. Hey, merci, Sophie. Tu es vraiment merveilleuse. C'est le siège éjectable. Ben, merveilleux, non, j'en sais rien. Non, pas du tout. Mais c'est je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Mais bon, je suis venue quand même. Mais tu vas pouvoir aller te reposer. Mais c'est incroyable comme tu ressembles, là, au mec. Mais tant mais mieux. C'est dingue. Tant mieux. C'est incroyable. Oui, mais profite-en. OK, merci. C'est marrant. Mais c'est bien. Tu avais vu ben... sur la photo, mais elle a rentré. C'est frappant. Ils ne faisaient pas du tout ce que tu fais, ni pas du tout le même métier. Mais il y a des familles de gens. Tu sais, moi, des fois, on me dit « Ah, j'ai rencontré une fille, ça pourrait être votre sœur » ou « Ah, qu'est-ce que vous lui ressemblez ?» On me l'a déjà dit, ça. Tu sais, il y a des familles de gens qui se ressemblent comme des frères et sœurs. C'est vrai. Bon, allez, mais tant mieux. L'auteur, interprète, chanteur. Stag. Voilà. Sophie, Stag, Sophie. Réalisatrice, auteur, compositeur, ouais, interprète, documentariste aussi. Voilà. Femme tout azimut. Estagé. Eh oui, Fernandez. Oui. Fernandez. Fernandez. Oui, non, on a tous les fabricants d'armes. Bon, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Qui vendent des fusils. Bon, mais je vous laisse. Alors merci. Ensemble. Merci. Tu sais, il a beaucoup de succès. C'est à la queue le long. Oh, oui, ah, oui. Comme la chanson de Carlos. Ici, c'est le. Oui, c'est ça, c'est studio, mon bureau. C'est mon bureau. Eh, oui, voilà, c'est ça. Merci pour la salade. Ben, ça fait plaisir. Puis encore à la revoyure. Puis tu diras bonjour à Hip Hop. Ouais, voilà. Et tu me tiens au courant. Oui. Puis tu m'envoies les liens pour que je regarde. J'ai longtemps été fasciné par les pianistes d'ambiance. Un type qui traîne au fond d'un grand restaurant chic ou des films américains de l'entre-deux-guerres. Un type que personne n'écoute et qui sert surtout à camoufler ce qui se dit à la table à côté. Avec style et plus de classe qu'un jukebox. Celui qui fait semblant de se moquer de l'indifférence générale. Et qui joue pendant des heures. Et la famille est fière de le citer. Parce que c'est l'artiste de la famille. Mais une fois qu'on a dit ça, on sait plus trop quoi dire d'autre. Et on sort des séries d'évidence, des gros lieux communs comme il est gentil, mais c'est comme tous les artistes, il est feignant. C'est peut-être vrai quelquefois. Hormis ceux qui ont réussi, alors là on dit, vous avez dû travailler beaucoup pour en arriver là. J'ai longtemps voulu être celui qu'on regarde avec un petit sourire plein de circonspection parce qu'on le trouve étrange. Il est pas comme tout le monde. Celui qu'on comprend pas bien. Celui qu'on fait semblant de pas voir quand on le croise. Parce qu'il colle pas avec les décors. Parce qu'on a peur de tout ce qu'on connaît pas. De tout ce qu'on comprend pas.